Préparez-vous, je vous emmène tous au restaurant. On va au resto, ça te branche ? Je suis choqué par votre attitude. T'es nul. J'en ai assez. Ras-le-bol de tes conneries. Mes amis, les guignards, m'ont invité à dîner. On se téléphone, on se fait une bouffe. J'ai plus de fric. Tu peux payer ? Anatole, vous m'énervez. J'ai rancard avec Marlène. J'angoisse. Cool, Raoul, tout va bien. Gardez votre calme, Cyril. Pourriez-vous m'avancer 500 euros ?